Question 20. Je porte des lentilles de contact. Il est conseillé d'avoir une paire de lunettes de rechange dans la voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B.